Chapitre 4. Mon enfant, l'éternité va commencer pour moi. Adieu, je te bénis en mourant. Que Dieu veille sur toi. Je lui demande à main jointe qu'il te préserve des passions, que mes malheurs te profitent. Fasse le ciel que mon exemple te serve. Quand tu liras cet écrit, dernière preuve de la tendresse d'une mère, je ne serai plus, mais mon âme sera avec toi. Respecte ma mémoire. Cher enfant bien-aimé, je suis innocente, ce n'est pas moi qui t'ai fait cette triste destinée. Hélas, je te laisse seul dans ce monde. Je te laisse sans nom, sans parents, sans amis, oui, sans amis, car les malheureux n'en ont point. Pauvre paria, tu seras repoussé de partout. Les préjugés sont plus forts que la vertu, plus forts que les lois divines et humaines. Tu seras repoussé. Pardonne à ta mère, sois bonne et miséricordieuse pour sa mémoire. Ah, si tu voyais mon horrible agonie, tu aurais pitié de moi. Mourir seul, mourir sans qu'une main amie vienne me fermer les yeux, c'est mourir deux fois. Il faut que je te quitte, Julie. La mort m'arrache à toi. Ah, que c'est affreux! Je n'aurais pas joui de tes caresses enfantines. Je n'entendrai pas tes premiers bégaiements. Je te quitte, cher enfant, et je n'ai senti que les douleurs de la maternité. Je te confie à la pitié des autres. Je dis à la pitié, car tu n'as pas un ami, pas un parent. Je vais recueillir le peu de force qui me reste pour me justifier à tes yeux. Moi, flétri, moi, coupable pour ce monde qui ne juge pas, mais qui condamne, je serai pur dans ton âme. Tu me plaindras et tu m'absoudras. Ma vie a été une suite non interrompue de malheurs. Le doigt de la Providence m'avait désigné pour souffrir. La guerre civile déchirait ma patrie quand je vins au monde. La Podolie et l'Ukraine étaient la proie de la misère et de la destruction. L'étranger, profitant de notre ignorance et de notre fanatisme, migonta à la tête d'une populace furieuse. Les nobles quittèrent leurs châteaux et se réfugièrent dans les forêts, croyant par là échapper à la mort. Mon père, à cette époque, se trouvait à Uman. Cette ville, faiblement fortifiée, ne pouvait soutenir un long siège. Elle résista cependant, mais bientôt les ennemis s'en emparèrent et firent un épouvantable carnage. Mon père fut une des premières victimes de la fureur populaire. On l'égorgea dans sa propre maison, et les barbares qui l'avaient assassiné promenèrent sa tête au bout d'une pique dans toute la ville. De mémoire d'homme, on ne vit pareille horreur, et Dieu veuille qu'elle ne se répète pas. Un jour, une heure me laissa, moi, enfant, sans parents, sans amis, sans protection. L'âge révolutionnaire m'avait tout enlevé. Pourquoi m'épargna-t-elle? Ma nourrice prit pitié de moi. Elle me disputa à des ruines fumantes. Elle m'arracha à ces hommes furieux qui voulaient du sang et des crimes. Elle m'enleva par miracle et je fus sauvé. Ah, c'était un noble cœur que cette femme qui se dévouait ainsi pour une enfant. Je lui devais la vie, mais elle ne savait pas, hélas, quel triste présent elle me faisait. Si j'étais morte alors, j'aurais échappé à bien des douleurs. Mais pourquoi me plaindre? Pourquoi murmurer? J'ai tant souffert que je serai sauvé. J'ai tant aimé que je serai pardonné. Il y avait près de Kamiennik Podolski une riche veuve que tout le monde aimait pour sa bonté et pour sa bienfaisance. Jamais un malheureux ne l'avait implorée en vain. Elle soulageait la misère et consolait les douleurs de l'âme. C'était une bonté céleste, une bonté toute intelligente. Elle n'avait rien de cette froide pitié que l'amour-propre accompagne toujours. Elle n'avait point cette pitié d'ostentation que les femmes affichent pour avoir une grâce, un charme de plus. Elle, la sainte femme, elle donnait en secret, elle donnait pour satisfaire son cœur et pour être agréable à Dieu. Cette femme, cet ange, me demanda ma nourrice et m'adopta. Ma fille, si la Providence t'accorde le bonheur de pouvoir faire du bien, fais-le pour toi, pour ta conscience, pour Dieu. Chaque larme que tu essuieras te sera compté dans le ciel. Devine l'indigence, comprends la douleur qui se cache, n'écoute point ceux qui te diront que les hommes sont ingrats et égoïstes, et que le dévouement ne trouve jamais sa récompense dans ce monde. Il n'y a pas de bienfait perdu. Je te transmets, ma Julie, les enseignements qui me furent donnés par ma bienfaitrice, cette seconde mère que le ciel m'avait envoyée. Ces saintes paroles, elle me les a dites à son lit de mort. Aujourd'hui, elle prie pour moi, elle m'appelle à elle. Si je vaux quelque peu, si j'ai fait quelque bien, si j'ai conservé quelque vertu, c'est à elle, c'est à son exemple que je le dois. Mon enfant, bénis sa mémoire, invoque-la dans tes jours de souffrance et de découragement, elle priera pour toi. Elle a rendu mon enfant si heureuse. Qu'elles ont passé vite, ces tranquilles années, où chaque matin me promettait du bonheur, où l'ingénieuse tendresse de ma bienfaitrice me créait mille joies et mille plaisirs. Je n'ai rien oublié. Je vois encore ces vertes collines qui ombrageaient notre maison. J'entends encore ces bruyantes cascades qui se perdaient en écho dans la vallée. Cher souvenir que j'emporte au ciel. La mort de ma mère d'adoption me causa une profonde douleur. Elle m'avait appris à aimer. J'avais 14 ans, et je n'avais aimé qu'elle et ma bonne nourrice. La bonté de cette excellente femme assura mon indépendance et me mit à l'abri du besoin. Mais je restais seul, sans appui, sans soutien, sans conseil, en butte enfin à tous les dangers du monde, après avoir goûté les soins, la tendresse d'une mère. Je quittai Kamienitch quand les héritiers de ma seconde mère vinrent revendiquer leurs droits, et moi, je louai une petite habitation commode dans les environs de la ville. Ma nourrice, que je n'avais pas cessé de voir, se dévoua encore une fois, elle qui m'avait sauvé la vie. Elle vint partager ma solitude, et ce me fut une grande consolation. À 14 ans, les impressions douloureuses sont moins tenaces, moins amères que quand on a perdu une à une toutes ses illusions et toutes ses espérances. Je regrettais ma mère d'adoption. Je pleurais chaque jour en priant Dieu pour elle. Mais la vue d'une fleur, le chant des oiseaux, me distrayait à mon insu et m'aidait à vivre. Avec ma petite fortune, je rendis mon habitation charmante. Mes jours se passaient doucement, je lisais, je faisais de la musique, je cultivais mes fleurs, et le soir je brodais auprès de ma nourrice, qui m'entretenait des soins de notre ménage. Certes, cette vie n'était point du bonheur, mais c'était du calme et du repos, et je ne souhaitais rien au-delà. Cependant, quelquefois, j'étais rêveuse. La lecture des poètes troublait mon cœur, agitait mon esprit, et me faisait désirer je ne sais quoi d'infini. Mais ces mouvements d'imagination duraient peu, et je revenais à ma quiétude habituelle. Au milieu d'une nuit d'orage, je fus réveillé par des cris affreux qui partaient du dehors. Je me lève, toute tremblante, et je vois ma chambre éclairée par une lueur rougeâtre. Au même moment, j'entends le son lugubre du tocsin. J'ouvre ma fenêtre. Une maison voisine de la mienne était en feu. Quel horrible spectacle! La flamme, les cris des victimes, le son du tocsin, les pompiers luttant contre le vent qui emportait les flammes. Le feu gagnait, malgré les efforts qu'on faisait pour l'arrêter, et ma maison devint bientôt la proie de l'incendie. Ainsi, j'allais perdre tout ce que je possédais. Je pleurais, je criais, j'appelais du secours, je courais dans ma chambre, que le feu n'avait pas encore dévorée, et je demandais à Dieu qu'il fît encore un miracle pour moi. J'étais jeune alors, je tenais à la vie. Mais comment fuir? Comment franchir cet enfer qui était sous mes pieds? Tout à coup un homme se présente devant moi. Il m'enlève dans ses bras, me transporte dans le jardin. J'étais sauvé. C'était lui, cet homme envoyé de Dieu qui m'avait sauvé. Mais là ne devait pas finir sa tâche. Il retourne au foyer de l'incendie. Il commande les pompiers et lui-même il arrache des poutres enflammées, lui, toujours lui. Il arrête le feu et ma maison échappe à ce grand désastre. Je contemplais le courage de cet homme et je souffrais mille morts en voyant combien il s'exposait pour moi. Quand le feu fut éteint, je me précipitai dans la maison pour voir mon sauveur et lui exprimer ma gratitude. Hélas, il avait été victime de son dévouement. Ses mains, ses bras étaient couverts de blessures. Ah, cher enfant, que le ciel te préserve des passions. Le bonheur qu'on y puise ressemble à l'éclair. Ce bonheur qui éblouit, qui transporte, est suivi de l'orage, est suivi de maux incalculables. Si tu es doué d'une âme aimante, tu souffriras. Si tu es doué d'une imagination passionnée, ta vie sera une lutte douloureuse et une amère déception. Mais peut-on échapper à sa destinée? Pense à moi, mon enfant, et n'attends pas ton heure dernière pour apprécier la vie. Sais-tu pourquoi les femmes sont si malheureuses dans ce monde? C'est qu'elles croient toujours pouvoir échapper à la règle commune. C'est qu'elles croient à une destinée d'exception. Et notre destinée est de souffrir, de trouver une douleur dans chacune de nos affections. La Vierge, notre mère à toutes, n'a-t-elle pas souffert? N'a-t-elle pas été méconnue, calomniée? Résigne-toi, Julie. Mais ces conseils, tracés par la main d'une mourante, pénétreront-ils ton cœur? Ces conseils, que sont-ils comparés à ces soins de chaque jour, à ces enseignements qui se répètent à chaque moment? Pauvre enfant, tu n'auras pas une mère pour te rendre heureuse et pour te donner sa vie pour exemple. Moi, qui ai dû boire le calice d'amertume jusqu'à la dernière goutte, moi, qui ai dû subir toutes les tortures, je te dis que mes malheurs te servent de leçon. Je m'offre en expiation pour toi. Fuis l'amour, redoute les passions. Quand tu liras cet écrit, je te regarderai du haut du ciel et je recueillerai tes soupirs et tes larmes. Julie, je t'ai aimée au-dessus de tout. Pour toi, j'ai eu le courage de vivre. L'homme qui m'avait si généreusement sauvé s'appelait le comte Adolphe Ostrorog. Jamais un plus noble visage n'accompagna une plus belle âme. Il était impossible de voir Adolphe sans éprouver un entraînement irrésistible. Que de distinction dans ses manières, que de charme dans son langage. Sa voix était harmonieuse, et son regard vous initia à sa pensée mieux encore que la parole, qui est toujours incomplète. Toutes les femmes ont au fond du cœur un roman commencé dont elles attendent le héros. Adolphe réalisait tous mes rêves. J'adorais la bonté, et il était bon. J'admirais l'esprit et l'intelligence, et il était doué de ses rares et précieuses facultés. Je ne pus le voir sans l'aimer. L'aimer, ce n'était point assez. Je lui donnais toute mon âme. Tout ce que je sentais en moi de transport et d'ivresse me semblait le suprême bonheur. Je ne savais pas si Adolphe m'aimait. Je le voyais chaque jour et j'étais heureuse. Je ne prévoyais rien. Je n'avais point d'expérience. Je ne demandais rien à l'avenir. Un jour, Adolphe me parla de son amour, et moi, qui avais tout donné sans espoir, je me jetai à ses genoux pour le remercier. Adolphe s'était marié très jeune, et une année après son mariage, il perdit sa femme, qui lui laissa un fils. Ce cher enfant, qui ne quittait point Adolphe, était presque toujours entière dans nos entrevues. Je l'aimais, je le caressais, je le confondais dans mon affection pour Adolphe. Ah, quelle douce et heureuse intimité était la nôtre! Tu le vois, ma fille, il n'y a point de bonheur, puisque chaque bonheur est une source de regret. Le soir, je me mettais à mon piano, et Adolphe m'écoutait chanter. Et Edmond, le fils d'Adolphe, jouait et dansait au milieu du salon. Un jour, je ne l'oublierai jamais, Edmond quitta brusquement son jeu et vint se jeter sur mes genoux en disant « N'est-ce pas qu'elle est maman ?» Je regardai Adolphe pour lui rendre grâce de la tendresse de son fils et je vis des larmes dans ses yeux. « Adolphe, lui dis-je, quel chagrin avez-vous ? Versez vos souffrances dans mon cœur. Ne suis-je plus votre ami ? Ne croyez-vous plus à mon immuable amour ? Parlez, mon ami. Hélas, les larmes d'Adolphe m'avaient révélé la vie. En un moment, mes songes de bonheur s'évanouirent. Adolphe souffrait. « Ingrate ! Me répondit Adolphe, vous ne me comprenez plus. Vous qui deviniez si bien les battements de mon cœur, vous ne devinez pas la source de mes larmes, Hélène. Faut-il que je vous le dise ? On veut nous séparer. Ma famille, fière de son rang et insatiable dans son ambition, veut me faire faire ce qu'elle appelle une grande alliance. Mais je résisterai. Je vous aime tant, Hélène. Je ne vois de bonheur qu'en vous. Mon Dieu, m'écriai-je, on veut nous séparer. Et des sanglots me coupèrent la voix. Rassurez-vous, mon ami. Reposez-vous sur mon cœur, qui est à vous. Les hommes qui accusent les circonstances et quelquefois la destinée n'ont eu ni assez de courage ni assez de volonté. Moi, je veux être à vous, et dans 2 jours, nous serons unis. Adolphe avait décidé que nous nous marierions à minuit. Cette union devait être enveloppée du plus profond mystère. Il arriva ce jour bienheureux. Je donnai quelques soins à ma toilette, car je voulais être belle pour lui. Je mis une robe de mousseline de l'Inde, et sur ma tête je plaçai un long voile de gaze blanc, rattaché par une couronne de myrte et de fleurs d'oranger. Quand on est à la veille d'un immense bonheur, on devient superstitieux. La moindre circonstance vous semble un présage. Une pensée triste vous semble un pressentiment. Au moment où ma bonne nourrice mettait la dernière main à ma toilette, je m'aperçus que mon voile était celui qui m'avait servi pour suivre le convoi d'une jeune fille. Je ne puis dire l'effroi qui s'empara de moi. Enfant, me dit ma nourrice, c'est moi qui me suis trompé. Au lieu de prendre ce voile de dentelle, j'ai pris celui-là. Allons, décoiffe-toi et n'y pensons plus. Dieu est là-haut. Adolphe vint me chercher pour nous rendre à l'église. Le ciel était couvert de nuages. Le tonnerre grondait sourdement. J'arrivai à l'hôtel, la magité d'une inexplicable terreur. Je serrai la main d'Adolphe convulsivement. Des larmes mouillaient mes yeux. J'étais tremblante, et je ne trouvais plus en moi une émotion heureuse. Cette église, si sombre, ces prières que le prêtre récitait à voix basse, ressemblaient plus à une solennité de mort qu'à une messe d'épousailles. Pour me ranimer, je regardai Adolphe. Son visage exprimait la tristesse, l'anxiété. Quand le prêtre nous donna sa bénédiction, je tombai à genoux et je prononçai du fond du cœur les serments qui me liaient pour toujours à Adolphe. Après, une joie indéfinissable se répandit dans mon âme. Je regardai Adolphe avec plus de confiance, et je retrouvai sur ses traits l'expression du bonheur. Tout le temps que dura la cérémonie, la foudre ne cessa pas de gronder, et au moment où nous allions quitter l'église, elle éclata en renversant l'image de la Vierge qui était placée au-dessus de nos têtes. Dieu nous protégea, et ni moi ni Adolphe ne fûmes atteints. Adolphe me prit dans ses bras et me porta hors de l'église. « Ne tremblez pas, mon Hélène, me dit-il. La colère de Dieu ne frappe que les coupables. Vous, si innocente et si pure, vous devez être aimée de Dieu. Vous êtes un de ses anges. » Malgré la tendresse d'Adolphe, malgré ses soins si doux et si délicieux, je conservais depuis ce jour une impression de tristesse que rien ne pouvait calmer. Et ce furent, hélas, les seuls instants de bonheur accordés à ma vie. Mais il se rencontre des amours fatalement cerclés par le malheur. Notre union n'avait-elle pas été accompagnée de sinistres présages? Mes pressentiments avaient une justesse qui tenait du prodige. Ah oui, j'avais raison de trembler. J'avais raison de prévoir une grande catastrophe dans ma destinée. Julie, chère enfant, pleure avec moi. Que tes larmes se confondent aux miennes. Tu ne connaîtras jamais ton père. Tes yeux ne contempleront pas ses traits adorés. Un orgueil barbare t'arrache jusqu'à son nom. Tu es dans le nombre de ces pauvres êtres que la société repousse ou regarde en pitié. Tu n'as pas de nom. Un mois s'était écoulé depuis notre mariage. Malgré les pressentiments douloureux que je portais en moi, j'avais des moments de grand bonheur. Triste bonheur, que j'étais obligé de cacher comme un crime. Adolphe me donnait toutes les heures qu'il pouvait dérober à sa famille. Il venait le soir et restait avec moi une partie de la nuit. Un soir, il n'arriva pas à l'heure accoutumée. Jamais je ne pourrais dire tout ce que je souffris. Chaque bruit que j'entendais me faisait tressaillir. Chaque minute qui s'écoulait s'ajoutait à mon anxiété. Et quand l'horloge de la ville sonna minuit, je me jetai à genoux en disant « mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Une heure de plus, et il me semblait que je mourrais, que je n'aurais plus assez de force pour attendre, pour souffrir, comme si on n'avait pas toujours assez de force pour souffrir. » Ah, pour les femmes, la vie est la continuation des angoisses du Sauveur. C'est l'agonie immense du jardin des olives. Adolphe ne vint pas. J'avais pris mon livre de prière pour y puiser du courage, quand tout à coup j'entendis du bruit dans la pièce qui précédait ma chambre. Je me lève, je marche en tremblant vers la porte, et je vois devant moi un homme masqué. Je pousse un cri d'effroi, et lui, d'une voix dure et impérieuse, me dit « Vous êtes Madame Hélène S., n'est-ce pas ?» Sur un signe affirmatif, il se retourne et appelle à haute voix des hommes qui devaient lui prêter main forte pour accomplir son crime. « Allons, leur dit-il, remplissez votre devoir. » Aussitôt, on me mit un mouchoir sur la bouche, on m'entraîna hors de ma maison. Une voiture attendait à la porte. On me poussa dedans et l'homme masqué prit place à mes côtés. Les stores de la voiture étaient baissés pour que je ne visse pas où l'on me conduisait. Nous voyageâmes ainsi pendant longtemps, quand enfin on me délivra du mouchoir qui était sur ma bouche. « Mon Dieu » m'écriai-je, « où me conduisez-vous? Qu'ai-je fait? De quoi suis-je coupable? Qu'a pu vous donner cet ordre barbare? Par pitié, répondez-moi » Cet homme ne me répondait pas. J'insistais encore. Je le priai avec tant de larmes et de désespoir qu'il finit par me dire « Madame, je suis lié par un serment qui ne me permet pas de vous répondre. Sachez seulement que votre malheur est de ceux auxquels on ne peut remédier. Bientôt vous arriverez au lieu de votre destination, et là, vous connaîtrez votre sort. Il n'y a pas de mots pour exprimer une pareille douleur. On me séparait d'Adolphe. Mes craintes, mes pressentiments, mon inquiétude dans le bonheur même étaient hélas un avertissement du ciel. Un peu avant le lever du soleil, la voiture s'arrêta. L'homme qui m'accompagnait m'ordonna de descendre. Une épaisse forêt se dessinait à l'horizon. Des montagnes, des précipices, une campagne aride et désolée se présenta à mes yeux. Nous prîmes un étroit sentier et nous marchâmes pendant longtemps. Les ronces et les cailloux déchiraient mes pieds, mais j'en étais arrivé à ne plus sentir la douleur physique. Après quelques heures de ce pénible voyage, j'aperçus dans le lointain un vaste et antique château. Une partie de cet édifice était en ruine, toute recouverte de mousse et de plantes parasites. J'interrogeai du regard cet homme, ce bourreau qui était auprès de moi, et je crus voir dans ses yeux un sentiment de pitié. « Mon Dieu, lui dis-je, si je dois mourir, pourquoi prolongez-vous mon agonie? Ici, en présence du ciel, faites-moi mourir. Non, ne me tuez pas, ayez pitié de moi, je ne veux pas mourir. Faites-moi souffrir, mais ne me tuez pas. » La femme avait poussé ce premier cri de désespoir, et la mère avait demandé grâce et pitié. « Julie, je te portais dans mon sein, ma vie était à toi, ma vie était la tienne. » « Soyez sans crainte, madame, suivez-moi, on ne veut pas votre mort. » Nous arrivâmes dans le château, et nous pénétrâmes à l'intérieur par une petite porte basse et toute noire d'humidité. Ce lieu était désert comme l'habitation des malheureux. À notre approche, une nuée de corbeaux s'envola au-dessus des tourelles. Un silence de mort régnait autour de nous. L'herbe croissait entre les dalles de la cour. Quelle horrible solitude! Et c'est là où je devais vivre et mourir. Je pleurais. Des sanglots s'échappaient de ma poitrine. Mais personne ne devait me répondre. C'était l'enfer, plus d'espérance. On me fit monter par un grand escalier de marbre qui conduisait à une galerie. Toute cette galerie était garnie de portraits, et tous ils représentaient des guerriers d'une grandeur colossale. Après tant d'affreuses émotions, après ce moment d'effroi, et en entrant dans le château, je tombai dans un morne abattement et je retrouvai la pensée. Les choses qui ne périssent pas sont d'importants révélateurs des faits passés. Ce sont des témoignages de gloire ou de malheur, des symboles de croyances perdues. Ce château, à l'aspect tout féodal, était la tombe d'une idée. La féodalité, le despotisme, la morgue antisociale ressuscitaient, sortaient du sépulcre où le génie les a cloués pour m'opprimer, moi, pauvre femme. Je regardais ces guerriers. « Mais eux, ils ne ressusciteront pas, me disais-je, ce sont des ancêtres. Ils ne me protégeront pas, moi qui oubliais, méconnu la distance des rangs. Hélas, ce château si sombre aujourd'hui a peut-être été le témoin de folles amours. Des chants de volupté se sont peut-être perdus en écho dans cette galerie si morne aujourd'hui. Tout ce qui est de ce monde est périssable. Là où s'élevaient des édifices somptueux, on voit des ruines et des tombeaux, et sur les ossements des morts se dressent les habitations des hommes. Partout se trouve un enseignement de Dieu. Partout il nous montre le ciel pour but et la terre pour épreuve. Mon gardien, qui m'avait laissé quelques moments seul, revint me chercher et me conduisit à ma prison après m'avoir fait passer par de longs corridors. La chambre que j'allais occuper était éclairée par une seule fenêtre. Son ameublement se composait d'un lit, d'une table, de quelques chaises et d'un piano. Des livres étaient jetés sur la table et un Christ de bois était appendu au fond de la chambre. Quand mon gardien m'eut installé, il se retira en fermant ma porte à double tour. Le premier moment où l'on se voit privé de sa liberté a quelque chose de plus horrible que tout ce que la parole humaine peut exprimer. Être enfermé, cela résume tout, on étouffe. Il semble que les murs de votre prison vous oppressent la poitrine. On veut crier et on ne trouve pas de voix. J'étais en prison. Je ne verrai plus un regard de pitié. Je n'entendrai plus une parole de consolation. « Adolphe, m'écriai-je en tombant à genoux, je ne te verrai donc plus. Mes gémissements n'arriveront pas jusqu'à toi. Ah, si tu sais jamais mes souffrances, tu me vengeras. Mais non, soumets-toi, qu'aucun malheur ne t'atteigne. Je m'offre en expiation pour toi, pour notre enfant. » La nuit ne m'apporta ni repos ni soulagement. Le lendemain matin, une jeune fille entra dans ma chambre pour m'apporter mon déjeuner. Elle me rendit tous les petits services qui m'étaient nécessaires, sans dire une parole. Je l'interrogeais, je la suppliais de me répondre, sans pouvoir en obtenir un mot. Chaque jour, elle entrait chez moi aux mêmes heures et en observant le même silence. Il y avait dans ce château une telle absence de bruit et de voix humaine que j'aurais pu croire que je l'habitais seul. Sans doute, et à dessein, on m'avait placé bien loin de la jeune fille qui me servait. Un matin, j'entendis le bruit d'une voiture qui roulait sur le pavé de la cour. « Mon Dieu, est-ce lui ?» me dis-je à l'instant. « Est-ce lui qui a découvert ma prison ? Est-ce lui qui vient me délivrer ?» « mon Dieu, jetez un regard de miséricorde sur moi et sauvez mon enfant. » Bientôt, j'entendis des pas qui s'approchaient de ma chambre, puis la porte s'ouvrit et un vieillard aux cheveux blancs se présenta devant moi. « Madame, me dit-il d'une voix calme mais sévère, Adolphe ne peut être votre mari. Cette union, réprouvée par le monde, par les lois justes et salutaires, est brisée à jamais. Ne vous abusez point, madame. Vous n'êtes point la femme légitime de mon neveu. Votre enfant ne peut porter le nom de ma famille. Nous ne reconnaissons pas les mésalliances. Prenez cet écrit et signez-le. La loi exige cette formalité. Adolphe l'a signé. Il a compris qu'il devait renoncer à vous. Le sang de ses aïeux s'est révolté. Il a crié vengeance. » En présence de cette iniquité déchirante, je retrouvai mon courage. « Non, dis-je, vous ne me tromperez pas. Adolphe n'a pas signé. Adolphe n'est capable ni d'un crime ni d'une lâcheté. Je ne signerai pas. Vous êtes noble, vous, mais moi, j'ai du courage. Tuez-moi, tuez mon enfant, mais je ne serai pas parjure. Mais je ne renierai pas ce que j'adore, ce que je vénère. Je suis la femme d'Adolphe. Les lois humaines peuvent consacrer ou absoudre toutes les iniquités, mais Dieu ne délie pas ce qu'il a lié. » Ah, vous faites de la philosophie, madame. Vous avez lu ces livres infâmes qui stigmatisent les institutions qui ont gouverné le monde. C'est avec ces maximes perverses que vous avez séduit mon neveu, que vous lui avez fait oublier le nom qu'il portait. Mais vous êtes en mon pouvoir, et le plus cruel châtiment vous est réservé à vous et à votre enfant si vous persistez dans votre rébellion. Je vous laisse jusqu'à demain pour réfléchir. Votre sort est entre vos mains. » En disant ces mots, il sortit en fermant ma porte à double tour. Après le départ de cet homme, je tombai dans un accablement qui n'était ni la vie ni la mort. Suffoqué par les larmes, je ne pouvais pas pleurer. Je prenais la réalité pour une épouvantable vision. Non, il était impossible qu'on fût venu. La menace à la bouche, me dire qu'on me séparait d'Adolphe. Hélas, c'était bien vrai, et je n'avais plus que quelques heures pour prendre une résolution. Moi, je signerais la honte de mon enfant, moi, je mentirais à Dieu en renonçant à Adolphe, non, plutôt mourir. Le lendemain, comme il me l'avait dit, l'oncle d'Adolphe revint. Je vais répéter ses paroles. Elles retentissent encore à mon oreille comme le son funèbre du tocsin. « Madame, me dit-il, je viens pour connaître votre résolution. Je pense que la réflexion vous aura aidé à mieux juger de votre intérêt et de celui de votre enfant. Répondez, dites oui ou non. Surtout pas de phrases, pas de grands mots. Nous avons de l'expérience, madame, nous ne nous laissons pas prendre, comme le comte notre neveu, au semblant d'amour. D'ailleurs, à quoi vous servirait la résistance? À prolonger une scène désagréable, et voilà tout. Si vous saviez comprendre l'honneur d'une illustre famille, vous sauriez qu'il n'est jamais fléchi et jamais dérogé. Nous ne menaçons pas, nous ordonnons. Je ne signerai pas, il n'y a pas de force humaine qui puisse m'y contraindre. Tuez-moi, monsieur, je ne signerai pas. » J'employai la douceur et la persuasion. J'ai fait mon devoir. Ma conscience ne me reproche rien. Vous seule, madame, êtes responsable de vos malheurs et de ceux de votre enfant. » Après ces paroles, dites avec la plus profonde hypocrisie, il sortit. « Et il ose me parler de devoir et de conscience ? » m'écriai-je. « Il dit que son crime est de la vertu et que ses iniquités sont de l'honneur. » Qu'ai-je à regretter si ce monde est ainsi? Dieu m'absoudra des malheurs qui retomberont sur mon enfant parce que je n'ai pas été parjure. Adolphe, ma vie, mon amour, je serai à toi pour cette vie et pour l'éternité. » Étrange contradiction du cœur humain. Dans ce moment, le plus cruel de ma vie, j'éprouvais comme un sentiment de bonheur. J'étais fier de moi-même. Je préférais la douleur à l'opprobre. La vie est aride et terrible. Le repos est une chimère. La prudence est inutile, la raison ne peut rien contre les événements. Il n'y a qu'une vertu, l'éternel sacrifice de soi-même. Je me sacrifiais à mon amour, à ma conscience. Je devenais digne d'Adolphe, je m'élevais jusqu'à lui en ne cédant ni aux menaces ni aux tortures, et en acceptant une vie de douleur plutôt que de renoncer à lui. Mais mon enfant me maudira. Quelle horrible pensée. Il me demandera compte de ma vie. Et que lui dirai-je? Que j'étais assez insensé pour accepter une union disproportionnée? Que j'étais assez dupe de cette vie pour croire le bonheur possible en dehors d'une société qui n'est basée que sur la fausseté et le crime? Oui, il faut baisser la tête, se soumettre, n'avoir pas plus de vertu que les autres, pas plus d'honneur que les autres, et surtout ne pas s'écarter du sentier battu. Ce monde pardonne tout à l'égoïsme et ne pardonne rien au dévouement. Les fautes d'entraînement, les torts généreux, sont réprouvés par cette société qui ne permet à nous autres femmes ni la supériorité de l'intelligence, ni la supériorité du cœur. J'avais accompli un devoir en résistant à mon persécuteur, mais j'étais déchiré de remords en pensant à toi. Mon courage était une arme dont la pointe me perçait le cœur. Il y avait une telle complication dans mes malheurs qu'il n'y avait que Dieu qui pût nous sauver. Depuis ma dernière entrevue avec l'oncle d'Adolphe, on était devenu encore plus sévère pour moi. La jeune fille qui me servait dans les premiers jours de ma captivité n'avait plus reparu. On avait pratiqué une ouverture à ma porte, et c'est par ce moyen qu'on communiquait avec moi et qu'on me faisait passer tout ce qui était indispensable à ma vie. Je ne devins pas folle. Un soir, j'aperçus une lueur à travers les fentes de ma porte. Puis tout à coup, et sans que j'eusse entendu le bruit de ses pas, un homme enveloppé d'un manteau entra dans ma chambre. Il me remit une lettre et un journal, puis il se retira précipitamment sans prononcer un mot. En voyant cet homme, en prenant cet écrit, je ressentis au cœur une douleur aiguë. Je pressentais le coup qui allait me frapper. Je reconnus l'écriture d'Adolphe, et je te transmets, mon enfant, la lettre de ton père. Hélène, mon épouse adorée, si cet écrit te parvient jamais, reçois mes derniers adieux. J'ai voulu lutter contre le désespoir, mais toutes mes forces m'ont abandonné. T'aimer, te posséder et te perdre, c'est trop, je ne peux plus vivre. Toi, mon ange aimé, tu m'avais révélé tous les biens, toutes les félicités, tous les bonheurs de ce monde. Je t'honorais comme la meilleure des femmes, et je t'aimais comme la plus délicieuse et la plus adorable des créatures. Ne m'accuse pas, Hélène. J'ai employé tous les moyens qui sont au pouvoir d'un homme pour te retrouver. J'ai été un fils rebelle, j'ai osé dénoncer les miens à la justice des hommes, j'ai appelé le scandale et l'ignominie à mon aide. J'ai imploré la bonté du roi, j'ai porté ma plainte devant les tribunaux. On a été sourd à ma voix, on a ri de mes larmes. Le droit était pour ma famille. Tu ne sais pas, toi, dont la patrie est le ciel, tu ne sais pas ce que c'est que l'orgueil des castes. Tout ce qui devait protéger l'homme, le citoyen, a été complice de mes malheurs. Tant que j'espérais de fléchir nos ennemis, j'ai eu la force de vivre. Aujourd'hui, il me faut mourir. Où sont tes bras, pour me presser encore contre ton cœur? Où sont tes lèvres, pour recevoir ce saint et dernier baiser? Je ne te verrai plus. Je vais t'attendre au ciel. Hélène, écoute la prière d'un mourant. S'ils n'ont pu accomplir leur crime, rappelle-toi ce que tu dois à ma mémoire. Pour moi, pour notre amour consacré par le ciel, soigne ta vie, garde-la pour notre enfant. Adieu, Hélène. Ma destinée était accomplie. Je ne veux pas te dire, chère Julie, les détails de cette immense douleur. Sache qu'elle est aussi profonde, aussi vivace, que le jour où je lus les derniers mots que ton père traça pour moi. Par un raffinement de cruauté, on m'avait remis un journal avec la lettre, afin qu'il ne me restât pas le moindre doute sur mon malheur. Je lus les premières lignes, mais je ne pus aller plus loin. Voilà ce qu'elle contenait. Kamienicz Podolski, 17 octobre 1792. Ce matin, à 9 h, le comte Adolphe Ostrorog est mort subitement dans son hôtel. Il laisse une famille inconsolable. Le vénérable père du comte a ressenti une si vive douleur en apprenant cet événement que ses jours sont en péril. Les assassins d'Adolphe osaient se parer d'une fin de douleur. Ah, je n'eus pas le courage de relire jamais ce fatal récit. Il y avait dans mon âme autant de haine que de désespoir. La publicité venait proclamer la sensibilité des bourreaux, quand le corps de leur victime était encore tiède. Fuis ce monde, mon enfant, va t'ensevelir dans un cloître, car ce monde est un gouffre d'iniquité. Que mes malheurs, mes incommensurables malheurs soient un enseignement pour toi. Que cet amour si pur et si saint, dont j'ai été cruellement puni, te préserve à jamais des passions. Les femmes n'ont que Dieu pour refuge et le ciel pour espoir. Hélas, qu'est-ce que cette vie qui nous échappe à chaque instant et que nous remplissons si inconsidérément d'amertume? Un supplice si l'on souffre, un délire si l'on est heureux, et toujours de la vie que l'on dépense, que l'on prodigue, qui ne reviendra plus, qui emporte tout, même l'amour. Moi qui avais aimé de toute mon âme, avec toutes les facultés de mon âme et toutes les tendresses de mon cœur, moi qui m'étais dévoué avec l'abnégation la plus complète, j'avais fait le malheur d'Adolphe et le tien, pauvre enfant. Quelle leçon pour les femmes! Notre vie est tracée par le code et par les lois les plus rigoureuses peut-être que la société a faites. Ces lois, cette législation de convenance, est un abri pour les préjugés, et quand une femme d'exception se présente, toute la civilisation en est alarmée. Cette femme sera vraie, inconsidérément vraie. Elle se placera au-dessus du monde, elle vivra en dehors de lui, et la société lui jettera son anathème, parce qu'elle est constituée dans l'intérêt de la majorité, c'est-à-dire des gens médiocres. La société n'existera plus le jour où les actions reprendront leur nom et les paroles leur véritable sens. La société a dit « Les femmes devront supporter tous les genres de joug et respecter toutes les barrières. Oui, ce n'est qu'aux dépens de son repos qu'une femme peut se soustraire aux entraves sévères qui furent imposées à son sexe. Il viendra un temps, ma fille, où il sera permis à la femme d'être grande, courageuse, de montrer son intelligence, de n'avoir pas honte de sa vertu, d'être fière de son indépendance. Quand ce temps sera venu, elle marchera d'un pas ferme, l'égal des hommes. Son esprit ne sera plus enfermé dans d'étroites limites et son cœur pourra prendre tout son essor. Mais ce temps est loin encore, et ma vie et la tienne se passeront à l'appel de nos vœux. Prie et soumets-toi. » Après avoir lu la lettre d'Adolphe et les lignes qui me confirmaient mon malheur, je tombai dans une crise nerveuse qui fut suivie d'un accablement léthargique. Pendant 8 jours que cet état dura, je ne donnai aucun signe de vie. C'est à ma respiration seulement qu'on s'aperçut que j'existais encore. Les crises involontaires qui s'échappaient de ma poitrine lors de ma crise nerveuse attirèrent sans doute la jeune fille qui m'apportait habituellement mes repas. Mais j'ai perdu le souvenir de tout ce qui se passa depuis ce jour. Ce que je sais, c'est que quand je revins à la vie, j'aperçus Mariette au chevet de mon lit. La présence de cette fille qui avait assisté à mes tortures me rendit la conscience du passé. Ah, ce retour à la vie fut affreux. Mes larmes, cette douleur qui n'avait plus de paroles pour se plaindre, attendrirent Mariette. « Madame, me dit-elle, prenez ce Christ et priez. Notre Sauveur a souffert pour nous, souffrez pour lui. » Pauvre fille, je n'oublierai jamais l'impression que me causa le son de sa voix. « Mariette, lui dis-je, soyez bénie pour le bien que vous me faites. Un être au monde a donc pitié de moi. Ah oui, madame, je vous plains, car pour vous je manque à mon serment. Mais avant de vous parler, j'ai fait une prière à la Sainte Vierge, pour qu'elle m'éclairât. La Vierge m'est apparue cette nuit et m'a recommandé de veiller sur vous. Prenez donc courage. Mariette, puisque vous êtes si bonne, dites-moi si je dois mourir ici. Non, madame, il viendra. Mais ne m'interrogez pas davantage, on peut nous épier. J'observai la recommandation de Mariette, elle passa toute la nuit près de mon lit, et nous priâmes ensemble sans échanger une parole. Le lendemain, Mariette sortit de bonne heure de ma chambre. À 10 heures, j'entendis dans le château un bruit inaccoutumé, puis bientôt l'oncle d'Adolphe se présenta devant moi. Pas une douleur, pas une angoisse ne devait m'être épargnée. Il était dit que je boirais le calice jusqu'à la lie. La vue de cet homme me causa une horreur que je ne puis rendre. Mais il est des circonstances où Dieu vous éprouve tellement qu'il vous envoie du courage. « Madame, me dit-il, vous êtes trop punie pour que je vienne encore vous parler de votre crime. Votre conscience, sans doute, a parlé avant moi. Mon neveu n'est plus. Et vous pouvez avoir votre liberté si vous l'acceptez aux conditions que je vais vous faire. Mon neveu n'est plus, mais je n'en suis pas moins jaloux de l'honneur de ma famille. Vous n'étiez pas l'épouse du comte. Un mariage consacré par l'Église et non reconnu par les lois n'a point de valeur. Vous étiez donc la maîtresse d'Adolphe, et vous portez la peine d'un genre de liaison que la société réprouve. Le comte, dans son aveugle générosité, vous a institué par testament sa légataire universelle. Mais la loi, qui protège toujours la famille, a cassé ce testament. Voyez, madame, réfléchissez. Le temps des illusions et des rêves ambitieux doit être passé pour vous. Nous pouvons tout, et vous ne pouvez rien. Nous sommes tout, nous qui vivons sur les marches du trône. Et vous, qui êtes-vous? Une femme séduite, une orpheline, qui n'a ni famille ni amis. Si nous le voulons, si tel est notre bon plaisir, nous pouvons vous ensevelir à jamais dans cette retraite, et en agissant ainsi, nous aurons fait un acte de rigoureuse justice, car on n'empiète pas impunément sur nos droits. Mais nous avons pitié de votre jeunesse, et voilà en conséquence ce que nous vous proposons. Vous retournerez dans votre habitation de Kamieniec-Podolski. Là, vous élèverez l'enfant que vous allez mettre au monde, mais vous ne porterez pas le nom du comte, et vous ne vous réclamerez jamais de notre famille. Nous ne vous demandons pas un acte de renonciation. Nous avons pris des mesures qui nous mettent à l'abri de votre ambition. Ce que nous vous demandons, c'est la simple promesse de reprendre votre nom et de ne révéler à qui que ce soit au monde les événements dont la honte et le mépris retomberaient sur vous. Si vous osiez jamais porter le nom du comte, nous en appellerions devant les tribunaux. Tout ce que je vous prescris est plus dans votre intérêt que dans le nôtre. Si vous êtes docile à mes conseils, vous voyez que je ne dis pas mes ordres. Je vous assure, par contrat, une pension qui vous mettra dans l'aisance, vous et votre enfant. Avez-vous tout dit, monsieur? Est-ce assez de menaces et d'injures? Est-ce assez d'humiliation et de torture? Frappez, frappez, votre victime est là, sans défense. Pourquoi me ménagez-vous? Avez-vous peur que ma voix ne s'élève pour vous dénoncer, non à la justice, puisqu'il n'en est pas en ce monde, mais à l'humanité? Voyons, monsieur, n'hésitez pas en présence d'un crime de plus. Offrez cet holocauste à vos aïeux. Ici les larmes me suffoquèrent. Je sentis tes frémissements dans mon sein, et tout mon cœur se fondit dans le sentiment maternel. Ah, ce sentiment divin est tout amour, toute abnégation, tout sacrifice. Je repris d'une voix plus calme. Monsieur, moi, l'épouse d'Adolphe, je renonce à porter son nom pour assurer le repos et la liberté de mon enfant. Si tout m'abandonne, Adolphe veille encore sur moi. J'irai, dans la solitude, pleurer sa mort et ma vie. Jamais vous n'entendrez parler de moi, monsieur. Ma promesse est sacrée. Mais je repousse vos dons, vos bienfaits. On n'achète pas mes serments. Ne m'insultez pas. On ne doit pas frapper du pied un ennemi mort. C'est lâche, cela, voyez-vous. Allons, allons, madame, calmez-vous. Vous êtes libre maintenant. Dans 2 heures, une voiture viendra vous prendre et vous conduira à Kamieniec. La voiture ne viendra pas vous chercher ici, c'est vous qui irez l'attendre à l'extrémité du sentier qui conduit à la forêt. J'ai recueilli tous mes souvenirs, ma tâche est accomplie. Tu m'aimeras, Julie, pour tout ce que j'ai souffert. Tu me pardonneras les malheurs que j'ai si cruellement expiés. La mort approche, la plume s'échappe de mes mains défaillantes, un nuage couvre mes yeux. Je meurs, Julie, en te bénissant. Prie pour ton père, adore sa mémoire.